Attention, attention, il reste 16 minutes avant l'apocalypse. Nous vous prions de rester calme et de ne pas paniquer. Oh shit, okay. On est-tu comme en train d'être presque mort? Ouais, mais comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. C'est un changement, hein? C'est l'apocalypse ouais. qui s'en vient. On devrait être un petit peu habitué à l'apocalypse. Là. C'est, elle toujours moi, je veux dire, personnellement, c'est mon quatrième. Je veux dire, je suis pas plus stressé qu'il faut. Ah, mais moi, c'est ma troisième apocalypse, c'est bien mieux. Pis t'es-tu stressé? Ben non. Je veux dire, j'étais pas stressé à la première apocalypse. Pis Ellie, toi, t'as deuxième. Ouais. Ça va? T'es à l'aise avec ça? Oui. Ellie, on aimerait ça avoir tes commentaires sur ta première apocalypse. Comment tu trouvais ça être mort? C'était très ordinaire. Pour vrai? Oh, ouais. Je veux dire, ça ressemble beaucoup à n'importe quoi d'autre. T'as-tu vu comme un grand tunnel? Non. Y avait-tu une lumière au moins? Non. C'était plate de voir ton apocalypse. Ben oui, mais là, c'est pas mon idée non plus. Mais je pense qu'on vit pas toutes les c'est pas tout le monde qui vit les apocalypses de la même manière. Moi, le mien était pas mal le fun. Moi aussi, il y avait de la couleur, c'est comme un rave. Hey, on était peut-être à la même place. Ben moi, il y avait des araignées, par exemple, ça, je l'ai moins trouvé drôle. Ah, mais c'est moins pire que des chats. Ah, ouais, j'avoue. En tout cas, c'est peut-être un peu les mou, chats, là, fait qu'on peut commencer. Est-ce qu'on fait une présentation, là? J'ai comme trop approché mon micro, je pense. En tout cas, c'est pas grave. Une présentation. Qu'est-ce que tu veux que je te présente? Bon, c'est ça. Bon, vous alors, avez pas celui... Mon jeu de mots, puis il y a juste mon frère qui l'a compris, genre. Celui qui a trop approché son micro, ben, c'était Oli. Mm-hmm. Ouais. Le roux, c'était Narf. Quoi? Mais personne va savoir que je suis pas roux. OK. Anyway, c'est pas important les présentations. On va être mort dans genre 13 minutes. Ben oui, puis pendant ce temps-là, je fais des super jeux de mots qui tuent, puis vous les écoutez pas, puis il y a juste mon frère qui les entend. On va les entendre, mais qu'on les écoute. Ton frère, celui qui est en train de jouer à Legend of Kage à côté de toi? Ouais, je suis sûr qu'on entend. Moi, il y a une affaire que je me demande. Le micro-ondes de la mort, là, qui nous tue dans bientôt, je sais pas combien de minutes, là, est-ce qu'il va se rendre jusqu'à ton frère qui est à côté de toi, mais pas au téléphone? Oui. Oui? Ah, ouais. C'est l'apocalypse pour tout le monde? Tout le monde. Ça veut dire que tout le monde, sans le savoir, ont vécu 4 apocalypses, 3 je veux dire. Non, 4. Puis... Mais c'est leur 4e, ouais, c'est ça. Ouais, mais ils sont comme, tout le monde est mort 3 fois, puis personne ne sait. Ouais, tu sais, c'est tendance, tout le monde est habitué à faire ça, les apocalypses de nos jours. Oh, ouais, j'imagine. Je veux dire, surtout quand t'écoutes des bons films comme Apocalypse Now. Hey, on l'a-tu fait, cette joke-là, dernière fois, Ali? Ouais. Je pense qu'on l'a fait 3 fois. Je pense qu'on l'a fait toutes les fois, genre. Bon, y'a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire? Quelque chose d'intéressant de préférer? Ben, moi, y'a quelqu'un tantôt sur Google Talk qui m'a parlé d'une affaire bizarre, genre, c'est de la morve orange qui court quand même assez vite, qui veut comme contrôler le monde, mais ils veulent pas vraiment contrôler le monde, ils sont juste attirés par les gens roux pis ils veulent les violer par les oreilles. Qu'est-ce que t'as dit, de la morve? De la morve orange. Moi, je pense que t'es en train d'inventer ça au fur et à mesure. C'est Suguru Kun qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, hey, j'ai vu, je pense qu'ils ont attrapé Narf parce qu'ils sont attirés par lui vu qu'il est roux. Il dit, il courait quand même assez vite. Puis le Narf, au début, il dit, tu me niaises. Puis, ben, finalement, il a commencé à crier parce qu'il s'est fait violer par les oreilles. Qui ça? Toi. Je sais pas, est-ce que tu confirmes? Moi, ça? Ouais. Moi, je confirme absolument pas ça. Je veux dire, c'est Suguru Kun qui t'a dit ça? Ça explique un tas de choses. Faut pas croire tout ce qu'il dit. Absolument pas. Je veux dire, habituellement, faut pas croire qu'est-ce qu'il dit. Je veux dire, 100%. Il m'a dit aussi que l'opinion qu'il avait de toi, genre quelle image il avait de toi, il m'a dit, tu ressembles à un informaticien qui a passé 38 heures à essayer de se connecter sur une affaire de Playmate. Puis qui mangeait des crottes de fromage en même temps. Je mange jamais de crottes de fromage et je n'ai jamais passé la moindre minute à me connecter sur... je réponds même pas à ça, en fait. Okay. Non, c'est fausses accusations. Est-ce que t'as des fausses accusations à dire à propos de Holly? Je veux dire, pour que ça soit équitable, pour que non, mais y a jamais on fasse comme un spécial fausse accusation. Il y a aucune fausse accusation à faire sur Holly. Non. Je veux dire, on peut dire qu'il y a des cheveux. Ouais, mais... ben y en a en... des cheveux. Ah non, moi j'en ai une pas pire. Une accusation? Je veux dire, récemment, là, par téléphone, j'ai parlé à Holly, puis c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai pas de log de conversation de tout ça, par... mais j'ai ouais, à multiples reprises prouvé que Holly avait pas raison. Ah ben là, c'est ça fait tellement 2005 prouver qu'Holly a pas raison. Pourquoi vous enregistrez? Oh ouais, c'est vrai qu'on est rendu dans le futur. Rien, hein? Ça fait à peu près 12 fois qu'on entend Nico qui dit « Pourquoi vous enregistrez? » On s'en fout. Je pense... Ouais, okay. On coupera ça au montage. On n'en fait pas. Ouais, on n'en fait pas. L'affaire, c'est que le micro à Oli capte Nico, puis nous, on le capte pas. Ouais, c'est problématique. Ok. Et attends qu'elle me dérange, Nico prend un téléphone sans fil pour entendre ce qu'il dit. Ah oh ouais, hey, oui, si Nico idée, il se pogne un téléphone, hey, il pourrait nous rejoindre. Il vient de vivre l'apocalypse avec nous autres, là. Non, il veut pas parce que j'y ai proposé. Ah bon. Ça, on s'en fout. L'important, c'est qu'il s'en aille. L'important, c'est l'attitude. Ouais, ça aussi. Bon, on fait-tu de quoi de nos 8 dernières minutes, là, avant l'apocalypse? Bon, il en reste quand même un petit peu. Ah non, il en reste pas tant que plus que ça, finalement. Ah, moi, j'avais... ça, Nico, mais j'ai fait une joke. Je pourrais peut-être parler de l'entrevue que j'ai faite récemment. Celle qui a mal été. Hein? Je veux dire, ça peut pas être moins intéressant que ce qu'on a dit à date. Ben, je sais pas. Ben, c'est quand même relativement intéressant. Je veux dire, j'étais allé passer une entrevue chez Ubisoft l'autre jour. Mm-hmm. Sauf que, ben, tu sais, la brigade SNW, c'est nous qui posons les questions. En plus. Hey, Nico, ça va distorsionner. T'es con. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu sais, la brigade SNW, on pose des questions. Fait que je pense que personne n'est intéressé, fait qu'on va changer de sujet. On change de sujet, c'est dommage, moi, je trouve. Moi, je pourrais parler d'une toune de Boris Vian. Ça dit toutes les affaires de pourquoi t'es snob. Ça dit genre, oh, j'aime ça avoir des souliers et puis des bas blancs dedans parce que je suis snob, puis je bois du chai latte, puis j'aime ça l'odeur des chevaux parce que les chevaux c'est snob, puis je suis snob. En tout cas, ça fait pas exactement ça, mais c'est dans le même style. Ça parlait de chai latte? Non, ça parlait absolument pas de chai latte. Mais ça parlait de lui qui était snob. C'était, je veux dire, mon prof de français m'a chanté une couple de paroles, puis genre je me suis dit, ah, ça c'est comme nerf. J'ai trouvé quoi? Ça vraiment drôle. Et ça me visait personnellement. Ouais. La toune me visait personnellement. Moi, je mets des doutes là-dessus. Non, elle te visait pas personnellement. C'est toi qui te sens visé personnellement. Ouais. On a-tu perdu Holly? C'est parce que j'écoutais plus ou moins, puis je répondais dans le bar parce que je me demandais où c'est qu'Holly était rendu. On s'en fout, là. Je pense que c'est la morve orange. Elle est venue chercher Olivier aussi. Pour se mettre dans ses cheveux parce qu'elle est attirée. Je pense que la morve orange est attirée par les cheveux. C'est ça qui l'attire. David? C'est peut-être les chevaliers de l'apocalypse, la morve orange. Les quoi? Les chevaliers de l'apocalypse. C'est quoi ça encore? C'est pas une affaire dans South Park, ça? C'est pas une affaire dans la Bible. Dans la Bible? Ouais, c'est le meilleur best-seller de tous les temps, là. Je sais pas, moi je connaissais le micro-ondes de la mort. Oui, j'ai toujours pensé que... C'est l'Apocalypse, c'est les chevaliers de l'Apocalypse. Ouais. Ah ouais? Ouais, on les voit dans un épisode des Simpsons. C'est pas dans South Park? Ouais, c'est un épisode aussi. Où ils disent merde plein de fois, pis y'a un compteur. Nico, tu me le diras tantôt, va-t'en. Vu que j'ai tué le papillon, j'ai pu battre les boss. Va-t'en. Ça va être tellement drôle, ça, quand on va faire le montage de ça. Tu penses? Ouais. Ben, je sais pas, on essaye de parler des affaires, pis à chaque fois, on se fait interrompre par Nico, fait que je me demande bien qu'est-ce que ça va donner. Nico, c'est peut-être... spécial, surtout que tantôt, il a pris le micro, pis il a gueulé Pamplemousse comme un malade dedans. ça risque d'être assez drôle. Oh, j'ai quelque chose que je veux vous parler. Ah, c'était encore lui, ça? Non, c'est lui. David n'écrit jamais Pamplemousse. Ah, évidemment. Hey, j'ai quelque chose de vraiment intéressant à vous dire, ok? J'ai découpé ça dans le journal. J'ai découvert ça, tu sais, par hasard. J'ai découpé des annonces dans le journal. Comment t'as fait pour découvrir ça par hasard? Non, mais j'ai découvert un article que je m'apprête à lire, ok? Ça s'appelle Le Noël des chats. Je pense qu'on trouve tous ça drôle. Est-ce qu'on explique pourquoi? Explique pourquoi, parce que je trouve pas ça bien drôle. Ben, c'est parce que j'ai vu ça pas très longtemps après notre immense controverse à propos de la chronique anti-chat dans les le journal SNW. J'ai oublié de parler de ça. De l'immense controverse? Non, ça a été assez comique. Ben, regarde, c'était cocasse. On s'en fout un peu, là, fait que parlons de ton article de journal plate. Ben, je vais vous en lire un petit bout, là, je veux dire. C'est pas un article, c'est une annonce. Salon et exposition féline de championnat canadien le 7, 8 et 9 novembre 2008. Ouais, malheureusement, c'est... Passé. C'est passé? Ouais, c'est passé. Plus genre 5 jours. Surtout au moment où le podcast va être diffusé. Genre demain. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, wow! 250 chats et chatons. 150 le vendredi. Nombreux kiosques d'informations et de cadeaux. Oh, on aurait dû y aller. Je dis, on aurait pu avoir des cadeaux. 200 chats. J'ai aucune objection à ça. Tantôt à radio, il parlait du chien qui a gagné le concours du chien le plus laid au monde. Il disait que c'était un chien à trois pattes avec un œil, pas de poil. Est-ce que tel maître, tel chien? Est-ce que le maître, il ressemble comme au des chien? Annonces de... Comme des annonces de Fido. Non. Mais là, j'ai pas tout compris, mais aussi, il disait qu'il avait gagné je sais pas quoi, puis qu'il était mort comme tout de suite après, quasiment. Le chien. Mais voyons donc. J'ai pas tout compris, là. En tout cas. Non, mais c'est comme, c'est comme triste. C'est le concours qui est drôle, mais qui est con, en fait. Ouais, j'avoue. Peut-être parce qu'il était trop heureux d'avoir gagné quelque chose. Il a fait une crise cardiaque. Ouais, peut-être. Parce que, tu sais, à chien laid, ne regarde pas la... Ah, laisse faire. C'est ton coup, hein. Je sais pas, j'essayais de pogner un proverbe. À chien laid, ne regarde pas la dépense. Quoi? C'est pas la bribe, d'habitude. C'est à cheval donné, on regarde pas la bribe, je pense. Quelque chose de même. Mais dans Pérus, il dit à Kodak donné, on regarde pas la roïde. Oh! Excusez, là, je l'ai pas mal trouvé drôle. Ouais, bon. Intéressant à dire, il doit pas rester longtemps. Qui c'est qui a fait quelque chose d'intéressant hier? Ouais, qui c'est qui pourrait se confesser? Mais non, mais je sais pas, qui c'est qui a fait quelque chose d'intéressant avant l'apocalypse? Tu sais, il reste quand même juste 3 minutes, là. Qui c'est qui est fier de sa vie? Joust, tantôt. Tantôt, le mot Nico, on a joué à Joust, là, puis on avait mis 150 vies, puis on les a toutes perdues. Ça, rappelons que Jazz est un jeu qui ressemble beaucoup à Balloon Fight, mais en bien moins bon. Parce qu'il est comme quasiment impossible à contrôler. Oui, ça c'est. C'est comme le vélo dingo dans South Park. Le vélo dingo, impossible à conduire! C'est un vélo que le guidon il est croche, les roues sont croches, pis que quand tu pognes là-dedans, tu dévalises une côte, tu déboules, pis là t'exploses en bombe nucléaire. Tu dévalises une côte. Oh, ouais. Déval? Ça fait une bombe nucléaire. Oh, ça c'est cool. Le vélo dingo, impossible à conduire! Moi hier, bon, j'ai écouté un ben, c'est comme Joust. Joust, c'est la même affaire. Ouais, mais c'est drôle quand tu joues multiplayer à Joust parce qu'au lieu de tuer les ennemis, tu t'amuses à tuer l'autre. Ouais. Mais ta version de cassette de. On avait comme carré vie, point virgule vie. Puis à un moment donné, c'était un carré qui rétrécissait à chaque fois qu'on perdait une vie. Hein? Ouais, ben c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de lettres, plus de chiffres, là. Quand tu mets 150 vies, je veux dire, une fois que t'as dépassé 9, c'est A vie, après c'est B vie. C'est quoi, les vies, ils montent? Non, mais on est parti comme à symboles bizarres. Là, on a passé plein de symboles bizarres jusqu'à tomber à Z, jusqu'à A, après ça, de 9 à 0. Ah, parce que normalement, tu peux avoir un maximum 9 vies. En tout cas, il y a juste une petite case pour le nombre de vies. Là, David voulait nous parler d'un film plat, puis il doit pas rester en temps, fait qu'il faudrait qu'il y aille, là. Ben, je sais pas. Ah, ben, si c'est plus intéressant que de parler de Joust... Je pense pas. ...et ou de Balloon Fight... En tout cas, le film... ...et ou de Wrecking Crew... Vas-y, David, là. ...et ou de Panique au cimetière... C'est ça que tu veux nous parler? Non, pas en tout. Ben, parle-nous de ce que tu veux nous parler. Ben, j'ai pas l'intention de vous en parler, là. Mais c'est quoi le film? Non. Mais là, c'est un film plate, y'a pas... Je pense pas que ce soit intéressant de parler d'un film plate. Juste le titre. Definitely Maybe. Genre ouais. Une énorme comédie romantique hollywoodienne, là. J'ai vu les annonces. Donc c'est un film à ne pas ben, voir. Je veux dire, le scénario c'est une super bonne idée, mais comme c'est un film hollywoodien, c'est super mal exploité, puis c'est vraiment plate. Ok, mais en quoi c'est une bonne idée? Sauf qu'on pourrait faire une version Sweeded de ce film-là. Ben, je veux dire, tu viens pas mal de lire dans mes pensées, là. Oh yes. Fait que avant l'apocalypse, on fait tout ça. On le fera après à la place, on va avoir plus de temps. On l'a pas vu. Ouais. La semaine passée, on l'a fait. Plus quel film. Le micro-ondes vient d'exploser. Oh, je t'entends pas beaucoup, moi. Ça veut dire que l'apocalypse est commencé. Ouais, ça veut dire qu'il nous reste une minute. Puis là, on entend la musique stressante. Ah, c'est l'entendez-vous. Cette musique-là. Je veux dire, j'en fais des cauchemars dans l'au-delà. Des chevaliers. Des cavaliers. Non, Nico, crie pas dans le micro. Va-t'en. Aucune voiture n'a de partout. Dans le fond, vous êtes sûr que c'est pas genre Nico qui est l'apocalypse? Chuck Norris, un gars contre toi, tu n'en as pas d'autre. L'annonciateur de l'apocalypse. La masse musculaire de Chuck Norris est plus lourde que son poids au complet. La plupart des hommes ont des testicules aussi gros que l'autre. Mais Chuck Norris a des testicules plus gros que l'autre. Ah, ta gueule. Chuck Norris. Chuck Norris, là, il a construit lui-même sa cabane en bois rond. De toute façon, on est comme pas mal morts bientôt. Ben, il reste combien de temps dans la fin? Chuck Norris, là, il y a 5, 4, 3, 2, 1.